toujours tout doux. Bismillah, un petit verre d'eau, kahwa bien serré. Ça remonte direct dans sa bouche. T'es chaud sous la douche, des mélos arabes de souche. Hey, habibi, y'a nor l'aïna. خليك ليا يا بلادي وراني عليك نادي ارضي ارض جدادي فيها تربي تانا je me pèse encore un peu plus balèze ça me tranquillise toutes les jaloux à qui m'écrise il y a ça mon soleil je m'en bats les couilles dans mes oreilles ça chatouille